donné où on, il va toujours être une heure de l'après-midi. Ben oui. Puis on va toujours être le 2 février. Oui, puis toutes les choses vont bouger. Mais est-ce qu'on a arrivé là? Est-ce que ce soit comme non, ça? Non, pas qu'on a. Tu me poses une question. Tu peux, par exemple, faire le tour de la Terre le 8 février 1995. Tu fais le tour de la Terre. Tu pars le 8 février à 12h15. Tu reviens le 8 février à 12h15. Mais on peut se rendre compte... Tu as fait le tour de la Terre en 25 ans. On se rend compte dans les activités, dans notre vie, que l'action élimine le temps. La perception du temps. Plus on bouge, plus on est occupé, moins le temps est présent. Ça dépend encore des individus. Dans les psychologies des gens que je connais, moi, je remarque que s'ils sont occupés, ah ben, moi, c'est quoi aujourd'hui? Temps passé, c'est ça. Bon, ça dépend des individus, mais effectivement. Tu sais, on va souvent au niveau du temps psychologique, le corps physique, la psychologie suit plus, laisse aller le corps dans son déplacement. Mais tu vieillis plus vite aussi. C'est-à-dire que les années vont passer plus vite. Vous savez que si tu sors des 2 ans, là, bien, je suis certain que vos années passent pas mal plus vite que les miennes. Puis l'autre, il y a 6 ans, puis je suis certain que ces années passent pas mal plus lentement que les miennes. Là, on va dire, oui, mais c'est normal, c'est parce qu'en vieillissant, on se rend plus compte. Ben, on se compte des histoires, nous autres. Quand j'étais jeune, je me souviens que l'été, pour moi, c'était long, hein? Ça durait un an. C'était long, hein? Ça durait un an. Ouais. Mais là, l'été, elle dure 2 semaines. Ben là, c'est... T'as à peine le temps, c'est pas parce qu'il pleut ou qu'il fait froid. Mais effectivement, l'été, elle passe. Mais c'est quoi exactement qui se passe, là? Quand même les années passent, à un moment donné. Oui, à un moment donné, ça fait 5 ans. J'ai tout fêté ma fête. C'est pas cher. Mais effectivement, les gens donc, vieillissent. Comme le temps de déballer le dernier cadeau. Non, mais les gens vieillissent quand ça se passe. Plus les gens sont vieux, plus les années passent vite, mais plus les gens vieillissent aussi. Oui. Le temps est accéléré. Sauf qu'il faut comprendre, évidemment, ce que c'est que le temps. Pour revenir, tout à l'heure, tu disais que... Tu identifiais, en parlant de nous, tu disais nous, pour ceux qui se déplacent latéralement, qui glissent, oui. Qui glissent. C'est qui nous? Est-ce que c'est la planète, c'est tous les gens qui vivent sur la planète? Non. Que tu as l'impression qu'ils sont là en même temps que non. Toi? C'est ça qui est intéressant d'expliquer et de comprendre. Si, par exemple, à un moment donné, des individus disent seuls ceux qui sont dans les témoins de Jéhovah vont être sauvés. Dans ce vecteur temporel-là, celui qui est suivi par la majorité des témoins de Jéhovah, c'est probable. Parce qu'eux viennent couper des temps qui viennent croiser des temps qui ne sont pas partis de leur linéaire. Ça veut dire quoi? Ça veut dire que moi, par exemple, là, je me rends au Pérou, je me rends en Amazonie ou je vais au Guatemala, bon. Et là, je rencontre des indigènes. Et quand on parle, etc., mais ils sont doublement pas dans le même temps que moi. Sauf qu'eux autres sont dans un temps, puis moi, je viens croiser. Et qu'est-ce que tu veux dire? Alors, eux autres ne glissent pas dans le même sens que moi. Par exemple, j'ai rencontré des peuplades, ça fait 2000 ans, 3000 ans, 30 000 ans que leur évolution, eux autres, ils glissent, ils roulent dans le chronotope. OK? Ça veut dire quoi? Ça veut dire que ils sont aussi primitifs, ou presque aussi primitifs, que 30 000 ans. Bon. Ils roulent dans le chronotope. Et on a des consciences qui sont comme ça. Il y a des peuplades complètes aujourd'hui pour qui la femme doit servir l'homme. Puis si vous demandez aux femmes, ils vont vous dire, c'est bien évident. Là, on leur dit, ils ont le cerveau lavé. Autant que les femmes qui ne veulent pas servir l'homme, ils ont le cerveau lavé. C'est-à-dire que ce n'est pas une question de lavage du cerveau, c'est une question de conscience, une question de monde. Et quand on rencontre ces gens-là, puis qu'on se dit, ben oui, mais là, mais si tu essaies de les convaincre, ils vont t'éliminer. Tu n'es pas de leur monde. Et là, eux autres, tués, par exemple, pour certaines peuplades, tuer ou envoyer les enfants se faire tuer. Il n'y a pas de problème là-dedans. Mais pour un paquet d'autres ici, c'est incompréhensible. Ça n'a pas de foutu bon sens. Mais comment ça se fait que nous autres, on a une conscience qui exclut totalement ce genre de monde et qu'on vient croiser des gens qui vivent ce genre de monde? Parce que pour l'instant, on les croise beaucoup parce que des affaires qui n'ont pas de bon sens, moi, j'en rencontre toute la journée. Ça veut dire qu'il y a une grande partie du contexte planétaire, OK? Qui? Oui, mais justement, toi, c'est pas bien compliqué, hein, d'accord? Comme Michel, elle a rencontré, J'ai des sourires, bon. Mais n'empêche, tu as raison. C'est ça, mais comment ça? Il y a la majorité du contexte planétaire actuellement, glisse à travers le temps, et il y a énormément d'individus qui ont la fâcheuse manie de glisser latéralement. Ces individus-là ne se contentent pas d'une religion, ils ne se contentent pas d'un gouvernement, ils ne se contentent pas d'une laveuse à vaisselle, ils se contentent de finalement rien, parce qu'ils sont toujours en train de glisser. Et en plus, ces individus-là vont finir par avoir une gustation du futur très problématique. Parce que, qu'est-ce que tu veux faire plus tard? Ben là, moi, j'aimerais être optimisé. Mais là, j'aimerais être optimisé. Bon, puis progressif, tu sais plus jamais rien. Et il y a des symptômes, par exemple, chez ceux qui glissent latéralement. Un des symptômes, c'est les individus qui connaissent les lois de la réussite, par exemple, les lois du monde des affaires. Ce sont des gens qui ont fait plein d'argent et qui, à un moment donné, se conscientisent, découvrent des choses. Puis là, oups, ils se mettent à glisser littéralement le temps. Là, ils commencent à perdre leur fortune, commencent à perdre des amis, commencent à perdre plein d'affaires. Là, après ça, ils réappliquent leurs lois, puis ça ne marche plus. Puis ils connaissent tout, puis ça ne marche pas. Puis ils s'en vont, puis ça ne marche pas. Puis là, ils se disent, oui, mais comment ça se fait? Les conscientisés, souvent, ils perdent. Mais c'est finalement pas la conscientisation. Le moindre moment, tu commences à te conscientiser, tu commences à fuir les mondes où tu ne peux plus rester. Et pendant que tu es en transition, tu essaies de t'organiser, puis tu glisses, puis tu glisses, puis tu glisses, puis tu glisses. Puis là, tu te poses des questions, tu essaies de comprendre, etc. Il y a rien de stable. Oui. Nécessairement, tu as croisé des chronotopes, par exemple, où toi qui n'es absolument pas raciste, ben, il y a des gens qui vont te trouver raciste. Parce que c'est des chronotopes où les gens sont toujours en quête. Puis quand tu croises ça, à un moment donné, puis là, il t'accroche, il ne te saisit pas, il ne voit pas d'où tu viens, il ramasse des morceaux de n'importe quoi, puis essaye de t'attribuer des choses. Puis à un moment donné, en continuant à glisser, tu vas voir que cette personne-là va peut-être finir par te dire, comment ça se fait que j'ai fait ça? Et non, c'est pas elle qui l'a fait. Okay? Mais mémoriellement, à travers ce que toi t'amènes, tu sais, elle va avoir les mémoires d'eux, mais pourtant, elle ne comprendra pas. Elle l'a fait, mais elle comprend pas pourquoi. OK. Moi, j'ai rencontré des gens à l'université, par exemple, qui, pour eux, là, leur vie, leur carrière était tracée, là. Ils savaient que dans 5 ans, ils feraient telle affaire, dans 10 ans, ils auraient 2 enfants, puis dans 30 ans, ils prendraient leur retraite. Puis il y en a que ça marche. Puis oui, ça veut dire qu'eux, ils sont plus. Oui. Ça veut dire que leur avenir, eux, est pas mal plus linéaire que le mien. Ou pas moi, probable, capable il est totalement fixer. Linéaire. Et eux autres vont tout faire ça et mourir. Ils le savent. Sauf qu'il y a des bizarres sur la planète qui, à un moment donné, glissent. C'est de moins en moins. C'est sûr que ça peut, pendant les 10, 15, 20, 30 premières années de votre vie, ça allait bien. Mais il vient un moment donné où il y a quelque chose qui se passe chez l'être humain. Puis automatiquement, il commence à glisser latéralement dans le continuum en plus d'avancer. Parce mais on choisit pas ça. Là, moi, c'est exactement ça que j'ai vécu jusqu'à aujourd'hui. Puis à un moment donné, ben là, écoute, prévois comme tu veux, tu vas te rendre compte que une fois que tu travailles en tabarnouche, toutes tes prévisions, tu vas dire, ben là, c'est clair, c'est dans matière, ça ne peut pas faire autrement. Puis tu vas te rendre compte que tu as cassé le nez complètement parce que tu es en train de glisser latéralement. Il n'y a plus rien qui peut tenir sur les consolidations. C'est pas que tu décides, c'est que tu t'imagines, tu rêves à quelque chose, puis à un moment donné, tu te rends compte à tel âge, puis tu dis, je sais pas, c'est arrivé. Mais. J'embarque ça. Je ne sais pas si. Je ne veux pas changer de discussion, non, mais. On n'a pas changé de compte de code d'un top. Ça ressemble à de la visualisation ou. Bon, la visualisation, ça fonctionne des fois. Ça ne fonctionne pas d'autres fois. Depuis qu'on étudie sérieusement la mécanique de transport temporel, on se rend compte que le meilleur outil n'est pas une machine physique, mais c'est une qualité d'être humain. Et quand on comprend bien les mécaniques temporelles, puis de toute façon, on va revenir, évidemment, à ces choses-là, mais c'est la prochaine grande, grande révolution, ça va te planter l'affaire au complet. Je fais du visionnement, puis ça fonctionne. Le visionnement, est-ce qu'il crée les événements? Est-ce que mon visionnement, personnellement parlant, là, moi, je visionne que vous me donnez toutes 50$. Je visionne ça, là. Me concentre. Puis, subitement, ça marche. Est-ce que ça veut dire que mon visionnement est capable de tout vous manipuler? Est-ce que ça veut dire que si quelqu'un visionne, là, qui ne donnera pas 50$, qui va gagner des visionnements? Mais ce qu'ils vont dire, c'est dans le visionnement. C'est peut-être plus voir quelque chose qui existe que de le créer dans le futur. Non, mais c'est justement en plein ça. Mais comment ça se fait que si c'est le voir, alors qu'on peut voir, si tu vois négativement, tu as des chances de te casser la gueule dans le négatif. Puis si tu vois plus positivement, tu as plus de chances que les événements soient positifs dans ta vie. Mais bordel, si on est mariés ensemble, toutes les deux, tu vois tout négatif, tu vois tout positif, comment ça peut marcher? Mais ça va marcher, parce qu'à un moment donné, ma femme, mon mari, va devenir de plus en plus positif. Mais dans son cas, ça va marcher, parce que sa femme ou son mari va devenir de plus en plus négatif. Mais moi, j'ai glissé dans un chronotope où je rencontre une femme ou un mari qui est de plus en plus positif, puis lui, il glisse de l'autre côté. Alors, ma visualisation fonctionne, pourquoi? Parce que tout ce qui est là comme effet, c'est de me faire glisser dans un chronotope où ce que je visualise existe. Mais c'est bien. Ça revient à ce que tu dis. C'est que j'ai vu. Mais souvent, quand vous imaginez, vous voyez aussi, y allez-vous, souvent, on y va pas. Oui, mais sauf que c'était toujours relié à un plaisir, à un goût de l'ego de vivre quelque chose. Là, est-ce que tu es manipulé? Ben, le problème de l'ego. Ouais, mais l'affaire, c'est que l'ego, il va, mais tout, il va plus. Non, c'est manipuler à voir, à aimer ce que tu vas vivre, puis à, en tout cas, à voir ce que tu vas... manipuler à aimer ce que tu vas voir, ce que tu peux percevoir. Ça, t'as pas le choix, parce que l'ego, lui, il va finir par aimer à force de vivre des choses. Non, mais... OK, ça dépend des égos. Peut-être qu'il y en a qui... sont négatifs. À cause de la nature humaine, c'est ça que oui, je veux dire. Oui, c'est ça, il y a des natures négatives. Ah, c'est ça. Ouais, c'est ça. À cause de la nature humaine. Mais un point intéressant, souvent, si vous pensez à certaines choses horribles, souvent, ça n'arrive pas. La majorité des peurs que l'humain a eues, c'est pour ça qui est arrivé. La majorité des plaisirs que l'humain a espérés, c'est rarement ça qui est arrivé non plus. Il faut comprendre une chose, c'est que présentement, qu'est-ce qui fait que l'humain bouge à travers le continuum, en vieillissant ou de tous les côtés, c'est son ego. Bon, puis là, en séminaire, j'en parle beaucoup plus. On va faire un résumé pour comprendre, mais on n'élaborera pas trop. Bon, l'ego, c'est créé par des constitutions de mémoire accumulées à travers la réincarnation, à travers la vie actuelle, à travers les legs génétiques, puis ça finit par créer une mécanique humaine qui doit se nourrir. Alors, je me nourris de chocolat, je me nourris de télévision, puis quand la partie nourriture télévision est gavée, je n'ai plus le goût d'écouter. Là, hop, là, je pense à aller jouer avec mon chat. Puis quand la partie jouer avec le chat est sevrée, ben là, j'ai plus le goût de jouer avec le chat tanné, là. Là, j'ai le goût de m'aller au parc. Puis quand la partie parc est tannée et sevrée, ben là, plus le goût d'aller au parc. Puis l'humain, comme ça, c'est un être humain qui n'est jamais stable dans sa linéarité, au niveau de sa conscience, parce qu'il est plus reconstitué. Mais l'ego est assujetti à la nature humaine. La nature humaine est structurée par deux lois fondamentales dans ce chronotopsie, dans cette vision-là du monde. La première, c'est rechercher la souffrance. La deuxième, c'est s'auto-détruire. S'auto-détruire, ça veut dire manger le plus mal possible, faire le plus de cochonneries possible, vivre un stress chronique, enfin tout faire, ou faire les guerres, aller conduire en état d'ébriété, conduire avec des pneus usés, enfin bref, sans arrêt, se mettre en état de mourir ou d'être blessé. Et la souffrance, ben là, il va aller chercher la haine, il va aller chercher la jalousie, il va aller chercher la peur, il va aller chercher la misère, il va aller chercher... tu ne souffres pas assez, bon ben, tu regardes la télé pour voir leur mandat, tu souffres pour eux autres, tu en as besoin. Tu te nourris. Et parce que l'humain a la possibilité d'être en contact avec de l'intelligence, il ne peut pas admettre ça. Ça fait partie d'ailleurs de son monde d'illusion. Si je demande à quelqu'un, veux-tu souffrir, il va dire non. Mais si je le regarde aller, il fait tout pour souffrir. Mais si je te demande, t'es rendu compte que tu fais tout pour souffrir, il ne voit pas. Parce que s'il le verrait, ben, l'intelligence rentrerait, ou l'esprit saint, ou appelle ça comme on voudra, l'intelligence, le phénomène supramental, ça rentrerait immédiatement, puis ça forcerait l'humain à changer de chronotype pour aller là où c'est parfait. Sauf que la nature de l'humain est une nature qui ne peut pas aller là où c'est parfait. Elle doit muter. Bon, on en parlera à la prochaine conférence. Et ce qu'il faut comprendre, c'est que donc, à cause de la nature de l'humain, à cause de sa constitution égoïque qui est un centre gravifique, ça crée de l'attraction, ben, c'est l'ego, à peu près uniquement, avec le corps physique. L'ego adapte le corps physique, donc il change. Un ego qui a besoin d'affection va le rendre malade. Un ego qui a besoin d'être comme sa mère ou comme son père ou qui s'inquiète quelque chose à un moment donné peut aussi se déformer. Mais ça, c'est ceux qui glissent y compris, là. Tout le monde. Okay. Et là, ce qui arrive, parce que tout le monde glisse, mais il y en a qui vont latéralement puis il y en a qui vont linéairement. Mais ceux qui glissent latéralement. OK, mais ça comprend tout le monde. L'ego, ce qui fait, on a ici un phénomène temporel, disons, on part du passé, on va vers le futur. Puis on a des gens, comme plusieurs parmi vous ici, qui glissent latéralement. Vous allez aussi du passé vers le futur. Mais les conditions, les lois, les contextes, ce que vous découvrez qui marche, ça ne marche plus après, bien ça change, ça s'en va par là. C'est parce qu'il n'y a pas de futur établi pour cette courbe-là. Non. Mais il y en a toujours un pour les oui. courbes droites. Tu fais de la radiesthésie, ça marche plus. C'est parce que dans celle-là, tu ne sais pas où tu vas aboutir. Jamais. Puis ça change sans arrêt. Mais dans le fond, en fait, tous les futurs sont déplacés, mais ça dépend où on va aboutir. Mais ça n'existe pas, le futur. Mais ça veut dire que le futur existe. Mais nous, de toute façon, on ne va pas dans un futur, c'est un néocrone. Mais ça, on en parlera une autre fois. Bon. Alors, ce qui est intéressant ici, c'est que l'ego, que ce soit un déplacement comme ça ou un déplacement comme ça, l'ego fait en sorte ici d'aller fouiner dans un autre chronotope, de revenir dans le sien, d'aller fouiner dans un autre, de revenir dans le sien. L'ego est sans arrêt comme ça en train de nous faire bouger. Si c'est en déplacement latéral, c'est la même chose. Un peu vers le bonheur, un peu vers le malheur, un peu vers le bonheur, on s'en va par là, je veux plus, je le sais plus, des coups, je suis tout poigné, je le sais pas bon, on s'en va bon. C'est sans arrêt comme oui, ça. Oui, c'est vrai. Okay? Donc, c'est ce qui va faire en sorte que tu vas aller vers quelque chose d'intéressant, mais subitement, ça s'en va. Subitement, t'es pépé, t'as le goût crime, tu l'as dessus, t'as l'énergie, t'as ce qu'il faut. Puis deux, trois jours, deux, trois semaines après, à un moment donné, ben là, c'est tout amorphe, ça marche plus, c'est plus ça. Puis tout ce que tu voyais, tu ne vois plus. Comment tu appelles ça, la courbe, les courbes. C'est sinusoïdal. Oui, mais. Biorhythme. Croche. Les biorhythmes. Comment? Les biorhythmes. Ah, les biorhythmes. Oui, bien, les biorhythmes, c'est un petit peu différent, mais ça suit évidemment les chronotopes. Mais c'est ce qui est vécu dans. Oh oui. Donc, c'est vrai. Ça suit les chronotopes. déprime, des hausses, des déprimes. Pas des déprimes, ça c'est ce qu'il veut dire avec les biorhythmes. Ouais. Le biorhythme, il suit les chronotopes, mais pas les courbures. Parce que quand tu es dans le plus bas, tu peux peut-être compter une farce à la seconde. Quand tu es dans le plus haut, tu n'arrêtes plus. C'est juste ça que ça veut dire. Parce que la personne qui est dépressive, elle, quand tu es dans le plus haut, là, elle est dépressive, mais un Valium par jour, ça va. Puis quand tu es dans le plus bas, là, il faut des injections intraveineuses. T'sais, alors, le biorhythme ne dit pas « t'es pépé, t'es sur le cul, t'es pépé, t'es ça. » Non, mais en tout cas, c'est que physiquement, si tu es en mort physiquement, tu es plus accrochable par la déprime. Oui. Mais en plus, tout ton rythme, tout ton biorhythme, en plus, il suit le chronotope. Ah, OK. Ton déplacement. Ah, okay, okay. La petite chaîne au complet, là, c'est ça aussi. Ça veut dire que tout bouge, hein, tout est... Ah oui, ça, c'est vraiment amusant. Mais là, ce qui est l'idée, pourquoi à un moment donné, si vous avez une idée géniale et vous y pensez, puis à un moment donné, ça n'arrive pas? Ça, c'est le même. Qu'est-ce qui n'arrive pas? Ton idée. L'idée ou ben non, la réalisation, la réalisation, même chose, ça n'aboutit pas. La seule chose actuellement qui a la capacité de bien contrôler le déplacement chronotopique, le déplacement temporel, c'est l'ego. Bon, mais ça se modifie. Comment tu dis la seule chose qui peut... Actuellement, OK, qui contrôle le déplacement temporel, c'est l'ego. Mais ça se modifie. OK? Bon, on peut muter. Ça peut bien aller tout seul, puis tout de travers. Oui, parce qu'il va en fonction de sa nature et de ses besoins alimentaires, c'est-à-dire de ce qu'il a besoin comme énergie. Alors, si ça fait un bout de temps que c'est pas chicané, il va aller dans un chronotope ou il peut s'engueuler. Bon, le langage parle encore rien. T'sais, il ne s'est rien dit. C'est des mots banals. Puis à un moment donné, c'est la grosse chicane. Après ça, ben là, ils reviennent, puis là, ils vont, puis là, ils s'aiment, etc. Mais comment ça se fait? Ils sont même battus, après ça, ils s'aiment. C'est parce qu'ils bougent comme ça. Parce qu'après m'être battu, je t'aime plus. Mais si je reglisse lentement, ben moi, je change. Mes concepts changent. Tu changes. Parce que je m'en viens lentement à rechercher quelqu'un, puis là, on se ramasse dans une situation de vie où on s'aime. Attends, ça veut dire qu'une personne qui a de moins en moins d'ego va naturellement glisser dans des... Non, dans la personne qui a de moins en moins d'ego va faire une chose, normalement, c'est qu'elle va commencer, elle va finir par être en ligne droite. OK? Ou c'est un ego qui n'est mobilisé que par la ligne droite. Mais une personne qui est anégoïque et qui a de l'intelligence, ben, n'ira plus d'aucune de ces façons-là, elle va simplement s'en aller là où l'intelligence va l'amener, parce qu'elle va se créer un autre centre gravifique chez elle qui ne sera plus l'ego, par anégoïsation, il va avoir fonte de l'ego. L'humilité des anciens, mais c'est bon, mais... Alors, puis il va se remplacer par un contexte gravifique qui est la conscience. Puis là, c'est elle qui va t'amener, qui va finalement diriger ta vie. Ça veut dire que ça va nous amener à changer de nature aussi, ça. Oui, mais à changer plein de choses. Mais là, c'est ce qui est intéressant, je veux donc revenir là-dessus, c'est que si vous avez une idée géniale, vous espérez des choses, vous faites des affaires, puis à un moment donné, vous y rêvez, puis vous y pensez, puis vous en parlez, puis à un moment donné, ça ne marche plus. Il y a même en affaire un dicton qui dit que moins tu en parles, plus tu as de chances que ça réussisse. Mais le dicton, il est plus fort. Moins que tu vas y penser, plus tu as de chance que tu réussisses. Puis il y a même des sages qui ont dit, quand tu veux quelque chose, pense-le fort, puis oublie-le. Mais il arrive ceci. C'est que si j'y pense, il va venir à un moment donné, là, que mon ego, lui, puis l'ego, il voyage dans le temps. L'ego, il est capable de voyager sans amener votre corps physique. Puis quand vous y pensez, bien gros, là, vous tripez là-dessus, là. Bien, vous êtes déjà en train de voyager dans le chronotope où ça se vit. Et votre corps, il n'a pas suivi. Puis quand vous allez avoir assez goûté, ben, vous allez revenir. Et pourquoi ça ne marchera plus? Ben, vous n'irez plus. Parce que l'ego est déjà allé, lui. Alors, assez qu'à un moment donné, on va dire à des personnes, écoute, si tu veux la fortune, pense à la pauvreté. L'ego va aller, ben, tu vois la pauvreté, puis tu as plus de chances de diriger vers la fortune. Puis qu'est-ce qui se passe quand c'est l'inverse? C'est-à-dire que les personnes entendent ça, puis se disent, ah, oh, ben là, je vais penser à la pauvreté, puis ils sont pauvres. Ça marche à merveille. Non, ça marche à merveille. Sauf qu'il y a une petite problématique, c'est la nature de l'humain. Votre nature, elle vous oblige à souffrir, à être malade, à vous anéantir. Alors, si vous pensez au bonheur, ça se peut que de temps en temps, l'ego aille juste voir dans ce monde-là ce qui se passe. Puis comme il va revenir, ça va juste vous désillusionner un petit peu. Donc, vous amenez à souffrir, ce qui est d'ailleurs son but. Et si vous voulez souffrir, ben, il y a des fortes chances qu'ils disent, bon, ben, enfin, il veut. Puis là, on se garoche dans la souffrance. Parce que c'est la nature de l'humain. Ça, c'est une chose qui est difficile à comprendre souvent parce que ça fait partie de l'émancipation de la conscience humaine. De découvrir qu'effectivement, l'être humain aime vivre dans la misère. Il aime souffrir, il aime être malade, il aime mourir. L'être humain aime ça. Puis quand on pose la question à l'être humain, il nous répond toujours non. Puis quand tu regardes ce qu'il fait, il fait tout pour ça. Puis quand je parle de nature humaine, tu résumes bien bref, mais quand je parle de nature humaine à l'autodestruction, par exemple, c'est facile. Si vous savez ce qu'il faut faire pour votre santé, si vous savez ce que vous devriez cesser de faire qui vous abîme la santé, vous allez voir que pour faire les choses pas correctes, ça ne prend aucun effort. Et pour faire les choses correctes, ça va prendre de l'effort. Parce que là, c'est contre nature. OK? Ça, c'est clair. C'est pas une question de, bon, je mange du sucre. Comment ça se fait que tout ce qui est mauvais, j'aime ça? Mais c'est normal. C'est mauvais. Ta nature, ton corps est bâti pour apprécier. Mais ce qui est bon pour votre santé, ce qui va vous empêcher de vieillir, ce qui va vous rajeunir, ce qui va vous mettre en santé, le goût, c'est pas évident. Parce que, ben non, c'est contre nature. Ensuite, si vous devez faire, vous relaxer, ben ça peut même aller jusqu'à vous énerver, vous relaxer. C'est contre nature. Bon, alors c'est facile de... Ben, c'est vrai qu'au début, quelqu'un qui pratique la technique Menfi, qui n'a vraiment jamais fait de yoga ou aucune technique de relaxation, il va venir stressé. Oui. Puis la majorité des médecins, par exemple, qui vont s'occuper des malades chroniques, ils savent une chose. Quand un malade commence à approcher de la guérison, ben, le malade, il ne vient plus. Il ne prend plus de médicaments, ou il ne fait plus les exercices, ou il ne fait plus ci, ou il ne met plus l'orthèse, il revient malade. Mais c'est la nature de l'humain. Alors, on va, par exemple, expliquer aux gens de mettre des condoms dans les relations sexuelles. On a encore un grand nombre qui n'en mettront pas. Pourquoi? Parce que, Christy, peut-être qu'ils peuvent attraper des maladies. Mais moi, j'ai même... Mais si on leur demande, ils vont dire, non, un instant, jamais de la vie. Puis là, il y a un paquet de rationalisations pour camoufler la nature. Bon, il faut que tu brosses les dents, il faut que tu ne manges pas de sucre, faut, etc., etc. Regardez ce qu'on vend à nos enfants. Hein? Regardez ce qu'on leur vend. C'est ta fête, hein, petit gâteau, du chocolat, tu sais, c'est la fête des amoureux, je t'aime, du chocolat. Puis tu es. Bon. Mais c'est la nature humaine. Puis dans votre conscience, vous allez dire, c'est pas ça que je veux faire. Ça, je suis d'accord. Mais justement, est-ce que votre conscience mène votre vie? Mais d'après ce qu'on non. a vu là, non, là. Non, totalement non. C'est ça. Pas d'un d'après le point de vue, d'après, elle constate ta vie. Tout ce que tu veux, c'est ce que c'est ça que tu as. Mais non, actuellement. C'est un mélange absolument abracadabrant de. Parce que moi, je sens les deux, je sens de temps en temps l'ego. Tire d'un bord, puis de temps en temps, l'ego suit, puis c'est d'autres choses qui attirent. Puis là, parce qu'il y a mutation, il y a conscientisation. Là, je suis en train, c'est ça, je vais parler, puis je vais être relax, alors je suis tout à fait surprise de ça. Je vais, tu sais, ça, je le sens, peut-être, oups, ça peut revenir un peu. Mais donc, il y a une démarche à faire pour glisser latéralement correctement. Plus glisser latéralement, mais aller dans le temps, là où on veut aller dans le temps. Mais il y a. Mais il y a une démarche, c'est ça, mais c'est, la démarche, c'est. Parce que pour l'instant, moi, je contrôle pas, là. Ah, ben non, parce que tu as trop d'ego. Mais il y a une différence entre. Avoir ce qu'on veut. Moi, ce que je pense, c'est que on n'a jamais ce qu'on veut tout de suite parce qu'on est toujours impatient. On veut, si on pense à quelque chose, on veut l'avoir tout de suite. Mais je pense qu'on peut l'avoir à long terme. Puis quand on l'a, ça revient un peu à ce que tu disais tout à l'heure, c'est le penser fort puis l'oublier. Puis tu l'oublies tellement que quand tu l'as, ben, ça te dérange plus de l'avoir. Non, puis des fois, c'est même plus ça que tu veux. Moi, ça peut arriver ça aussi. Mais ça, c'est l'ego peut toujours avoir autre chose, c'est toujours tout de suite, ça presse tout le temps. Oui, puis l'affaire qu'il y a, c'est que ton ego, lui, après, pourquoi cette mécanique-là, c'est la mécanique qui est basée sur la recherche de la misère et de la souffrance, donc au départ, c'est correct. Parce que si tu es capable de voir une chose, de penser une chose, de la voir belle et bonne et intelligente, bien automatiquement, elle est là. Ça, c'est si tu glisses à travers le continuum. Le Nazaréen avec ses miracles, c'est pas compliqué, il y a des places qui ont juste un pain, un poisson. Il y a des places qui en ont, sont en train de mourir à tout ça en dessous. Puis lui, ben, il s'est déplacé entre les deux. Alors, pour tout ça, à qui? Parce que lui, ce qui est arrivé, c'est qu'il a amené son monde. Il a dit, bon, ben, on se déplace la gang. Fait que tu prends du poisson, là, il y avait un panier. Il y a du pain, du poisson. Bon. Tu fouilles dans mon panier à pain, tu fouilles, il est trop plein. Ben oui, parce qu'il tourne. Tu fouilles. Quand il revient, il est encore plein. Mais personne ne l'a pris. C'est pas ça. C'est que la façon dont tu glisses dans le continuum, tu vas aller chercher. Il n'y a aucun problème. Mais tu vois, mais lui, il a pu déplacer du monde qui n'avait pas une conscience de ça du tout, là. Non, mais on a fait des voyages temporels. On en a déplacé du monde qui n'a rien à faire là-dedans. On a même déplacé des arbres. Mais le monde, si on fait une comparaison, il y avait quand même pas mal plus d'affaires là-dedans que la gang... Pas les arbres. Finalement, il déplaçait sa plateforme. Si quelqu'un a faim, il y a une raison, il y a un motif... Non, je sais, mais je veux dire, vibratoirement... Oui, parce que les gens étaient attirés par le Nazaréen, puis lui, il se déplaçait. Donc, le monde était bien content. Quand les gens ont mangé, ben là, il reprend sa boucle. Tout est parfait, mais les continuums sont tous changés. Mais comme quoi, c'est facile de se déplacer si un gars... Ben oui, c'est facile. Ça veut dire que c'est facile. Ça se fait facilement. Maintenant, faisons-le. Comment le faire, c'est ça? Alors, on commence à savoir. Oui, ben c'est ça. Tu disais tantôt, on a trop d'ego pour pouvoir le faire présentement. C'est ça qui bloque la mécanique. C'est-à-dire que tu peux le faire comme, par exemple, il y a des personnes qui ont fait des voyages dans le temps, puis ils se sont rendus compte que le moindre moment qu'ils veulent revenir, tout ce qu'ils ont à faire, c'est de passer à quelque chose de ce chronotopie, puis ils sont revenus dessus. C'est ça. Alors, c'est une très bonne technique. Tu voyages dans le temps, tu te ramasses à l'époque des dinosaures. Les dinosaures qui attaquent, que tu dis, mon mère, t'es venu dessus. Mais t'espères pour toi qu'elle n'a pas changé de. Mais évidemment, il ne faut pas que tu amènes le dinosaure avec toi. On ne pourrait pas faire la même chose, penser à quelque chose pour qu'on aille là au lieu de. Oui, mais c'est l'ego présentement qui domine. Tant que l'ego n'a pas été suffisamment égoïsé, tant qu'il n'y a pas suffisamment de mutation au niveau de la conscience de l'humain, au niveau de son corps physique, le déplacement temporel est impossible. D'ailleurs, votre prochaine conférence va porter sur justement la mutation versus le déplacement temporel. Parce que, regardez ceci, vous voulez parfait. L'avez-vous? Non. Puis moi, je répète souvent que pour la majorité des êtres humains, sinon pour la totalité, votre vie est une insulte à votre intelligence. Puis ça, c'est simplement parce que l'intelligence ne contrôle rien. Rien. Juste la guerre entre votre conscience puis l'autre bébé de l'autre bord qui dit « Mange pas ça! » Puis « Oui, non, mange, j'en donne! » Puis « Deux, oui, non! » C'est pas, c'est pas. Ça, c'est parce que vous glissez. Et bon, puis de l'autre dans le sens, arrête. Puis là, ben là, t'es en dissonance cognitive complète et totale. Puis normalement, ben vu que c'est l'ego qui l'emporte, ben c'est bien rare qu'on va se ramasser. Si vous avez bien souffrir, vous allez être capable de jeûner. Vous allez facilement, vous allez souffrir. Vous allez être capable de vous priver de ceci, de bon. Ah, mais ça ne sera pas le bon chronotope quand même, parce que ça va être de l'ascétisme, ça va être c'est-à-dire que tu restes dans le même genre de monde, en changeant de chronotope comme ça de temps en temps, mais dans le même genre de monde qui est basé sur les lois de la misère, de la souffrance, de la destruction. C'est la grosse discipline là, que ça te demande beaucoup d'énergie à maintenir, c'est pas ça non plus? Non. Puis c'est, comme on l'expliquait à un moment donné, Dieu, dans son infinie bonté, quand il a créé le homard, il s'est dit, les homards, on le met des pinces pour qu'ils puissent manger, puis qu'ils puissent se battre. Je ne sais pas pourquoi il a pensé des fois à faire la guerre. Mais après ça, il s'est dit, quand l'homard, si à un moment donné, s'il se bat, il perd une pince, pauvre homard. Fait qu'on va l'organiser pour que ça repousse. Les homards, les pinces, ça repousse. Après ça, il a créé l'homme puis la femme. Puis là, il s'est dit, si un jour on perd un bras, ben écoute, tant pis pour elle. Elle s'arrangera. Ben, c'est ça. Mais ça attendra à l'an 2000, on y mettra une prothèse. C'est ça, puis ça, est-ce que la science est capable de voir comment ça pousse une pince de homard? Non. Ça se peut pas. C'est comme des cheveux. Ça se peut pas. Pour la science, là, c'est simple. C'est pas un bon exemple, là. Non, on glisse trop vite, là. C'est ça. Mais du vent, pas mal. Toi, tu glisses pas fort. Non, mais ça a déjà poussé. Mais c'est ça. Sauf que... Ça pas. Donc, tu dis que la prochaine révolution... C'est cette découverte-là pour l'ensemble de... Planétaire, on va dire. Planétaire, c'est ça, il faut qu'il y ait un certain nombre de personnes planétaire, qui puissent avoir accès ouais, à mais ça, ce qui va se passer probablement, c'est qu'il va y avoir probablement plusieurs individus qui, à un moment donné, vont voyager suffisamment clairement à travers les continuums pour pouvoir venir bouleverser suffisamment l'endroit, le point de jonction où ils vont passer. Okay? Ce qui va laisser des preuves très, très, très tangibles de cette mécanique-là. Et ça va permettre à un paquet de gens, d'ailleurs, la prochaine grosse révolution, c'est probablement, c'est tout un ensemble, ça y va par étapes, là. Ça va être, évidemment, la conscientisation progressive de la mécanique du temps, donc de l'illusion, de ce que c'est qu'un spectrochrone, par exemple, c'est une image. On peut changer d'image. Sauf que nos égos s'y attachent à nos maudites formes, puis on continue à les voir. Bon. Ça, c'est compris notre corps, ça. Même chose. Et puis, par la suite, ce qui va arriver, c'est qu'il va y avoir un soubresaut majeur de gens qui vont se rendre compte qu'ils ne sont pas dans le bon chronotope et qui vont se grouper. Eux autres, potentiel d'énergie, potentiel de conscientisation, observation, recherche en groupe, c'est plus facile parce que la meilleure façon de voir si j'ai de l'ego, c'est être avec des gens qui ont de l'allure. Parce que mon ego va me cacher mon ego, mais les gens qui ont de l'allure, ils vont être capables de voir des choses pour qu'on puisse s'entraider. La révolution, il va y avoir effectivement un amoncellement d'individus capables de voyager à travers le temps par la langue, par la suite des choses. Puis ça va faire en sorte que ça va remettre en question toutes les explications connues actuellement dans ce chronotopsy sur à peu près tout. Fait que tu vas savoir comment guérir, pourquoi ça marche pas, puis quoi, tout. On va jouer dans l'illusion. Et on va la mettre plus belle. OK, alors on va prendre une pause avant de sortir à l'extérieur. À l'extérieur, il y a des gens justement qui sont disponibles pour répondre à vos questions pour, entre autres, le séminaire de Daniel Kem qui aura lieu le 27 et 28 mai. Il y a aussi une journée spéciale qu'on organise, une journée PMC à Montebello. C'est ouvert et au PM6, donc ceux qui sont dans le cours par correspondance du PMC, et aussi ceux qui ne connaissent pas du tout le PMC, qui est une journée aussi en même temps pour vous introduire à ce que c'est...